Quatorzièmement. Debout, morne, il tremblait comme un homme qui fuit, et des mains le tenaient collées dans la brume. Vêtu de lin plus blanc qu'un encensoir qui fume, il avait, spectre blême aux idoles pareilles, les baisers de la foule empreints sur son orteil. Dans sa droite, un bâton comme l'anticarconte. Sur son front, la tiare, et dans ses yeux, la honte. De son cou descendait un long manteau doré, et dans son poignet gauche, il tenait, effaré, comme un voleur surpris par celui qu'il dérobe, des clés qu'il essayait de cacher sous sa robe. Il était effrayant à force de terreur. Quand surgit ce vieillard, on vit dans la lueur l'ombre et le mouvement de quelqu'un qui se penche. À l'apparition de cette robe blanche, au plus noir de l'abîme, un tonnerre gronda. L'archange, tout à coup terrible, regarda, de cet œil flamboyant que vit luire Sodome, l'ombre profonde, et dit: « Connaissez-vous cet homme ?